chez Max, coiffeur pour homme, où un jour j'entrais comme, par hasard, me faire raser la couenne et rafraîchir les douilles. Je tombe sur cette chienne champouineuse qui aussitôt m'aveugle par sa beauté païenne et ses mains savonneuses. Elle se penche et voilà ses doudounes comme deux rahat loukoum à la rose qui rebondissent sur ma nuque boum boum. Je pense à la fille du calife de la mille et deuxième nuit et sans la pointe d'un canif me percer le cœur. Petite, je te sors ce soir, ok? Elle a d'abord un petit rire comme un ok. Puis, sous le sirocco du séchoir dans mes cheveux, la petite garce laisse choir. Cheveux.